Chapitre 35. L'ange. Bérénilde était devenue si blanche qu'Ophélie et la tante Roseline la soutinrent chacune par un bras pour l'aider à se lever. Elle fit preuve néanmoins d'un calme olympien tandis qu'elle leur faisait ses recommandations. « Ce qui nous attend de l'autre côté de cette porte, ce ne sont que des vautours. Ne répondez à aucune de leurs questions. Évitez de vous montrer à la lumière. » Bérénilde saisit sa petite clé sertie de pierres précieuses et l'introduisit dans la serrure. D'un simple déclic, elle les fit basculer toutes les trois dans l'effervescence du clair de lune. L'antichambre voisine avait été investie par les gendarmes et par les nobles. Tout n'était que confusion, bruit de pas, exclamations étouffées. Dès qu'ils virent la porte s'entr'ouvrir, le silence se fit. Chacun dévisagea Bérénilde avec une curiosité malsaine, puis les questions jaillirent comme un feu d'artifice. « Madame Bérénilde, on nous a rapporté que votre famille entière a péri à cause d'une battue mal orchestrée. Les dragons auraient-ils usurpé leur réputation de chasseurs hors pair? Pourquoi n'étiez-vous pas avec les vôtres? L'on dit que vous avez eu des mots avec eux pas plus tard qu'hier. Auriez-vous donc eu le pressentiment de ce qu'allait advenir ?»« Votre clan a disparu. Pensez-vous que votre place à la cour soit toujours légitime ?» Désabusée, Ophélie entendait toutes ces médisances sans voir ceux qui les prononçaient. La silhouette de Bérénilde, dressée courageusement dans l'entrebâillement de la porte, occultait sa vision de l'antichambre. Elle affrontait les attaques en silence, les mains croisées sur sa robe, guettant Thorne. Ophélie se raidit quand elle entendit une femme prendre la parole. « La rumeur circule que vous cacheriez une liseuse d'Anima. Se trouve-t-elle dans ses appartements? Pourquoi ne nous la présenteriez-vous pas ?» La femme poussa un cri et plusieurs voix protestèrent. Ophélie n'eut pas besoin d'assister à la scène pour comprendre que Thorne venait d'arriver et refoulait tout ce beau monde. « Monsieur l'intendant, la disparition des chasseurs affectera-t-elle notre garde-manger ? Quelles mesures envisagez-vous de prendre ?» Pour seule réponse, Thorne poussa sa tante à l'intérieur, fit entrer Archibald et un autre homme, puis ferma les appartements à clé. Le vacarme de l'antichambre s'évanouit aussitôt. Ils avaient fait un bond hors de l'espace. Bérénilde s'élança alors vers Thorne dans un élan qui les renversa tous les deux contre la porte. Elle serra de toutes ses forces son grand corps maigre qui culminait une tête au-dessus d'elle. « Mon garçon, je suis tellement soulagée de te voir. » Raide comme un piquet, Thorne ne parut pas savoir quoi faire de ses bras démesurément longs. Il enfonça ses yeux d'épervier à travers les lunettes d'Ophélie. Elle ne devait pas ressembler à grand-chose avec son visage abîmé, ses cheveux déferlants, sa robe de soubrette, ses bras nus et une main gantée sur deux. Mais rien de tout cela ne la mettait mal à l'aise. Ce qui la mettait mal à l'aise, c'était d'être pleine d'une colère qu'elle ne pouvait pas exprimer. Elle en voulait à Thorne, mais, étant donné les circonstances, elle était incapable de l'accabler. Ophélie fut tirée de cet embarras pour plonger aussitôt dans un autre. Archibald s'inclina profondément devant elle, son haute forme contre la poitrine. « Mes hommages, fiancée de Thorne, comment diantre avez-vous atterri chez moi ?» Son visage d'ange, pâle et délicat, l'honora d'un clin d'œil complice. Comment pouvait s'y attendre, la petite improvisation d'Ophélie dans le jardin aux coquelicots ne l'avait pas abusée. Restait à espérer qu'il ne choisirait pas précisément ce soir pour la trahir. « Pourrais-je connaître enfin votre nom ?» insista-t-il avec un franc sourire. « Ophélie, » répondit Bérénilde à sa place. « Si vous le voulez bien, nous ferons les présentations une autre fois. Nous avons à parler d'affaires autrement plus pressante. » Archibald l'écouta à peine. Ses yeux lumineux examinaient Ophélie avec plus d'attention. Avez-vous été victime de maltraitance, petite Ophélie? Elle fut bien en peine de lui répondre. Elle n'allait tout de même pas accuser ses propres gendarmes, non? Comme elle baissait les yeux, Archibald passa un doigt sur le pansement à sa joue avec une telle familiarité que la tante Roseline toussa contre son poing. Thorne, quant à lui, fronça les sourcils à s'en fendre le front. « Nous nous sommes réunis ce soir pour causer, » déclara Archibald. « Alors causons !» Il se renversa dans un fauteuil et jucha ses souliers troués sur un repose-pied. La tante Roseline prépara du thé. Thorn plia chacun de ses membres sur le divan, mal à l'aise au milieu de tout ce mobilier féminin. Quand Bérénilde s'assit près de lui et s'abandonna contre l'épaulette de son uniforme, il ne lui accorda pas un regard. Ses yeux de fer suivaient les moindres faits et gestes d'Ophélie. Incommodée, elle ne savait trop où se mettre ni comment occuper ses mains. Elle se recula dans un coin de la pièce jusqu'à se heurter la tête contre une étagère. L'homme qui était entré avec Thorn et Archibald se tint debout, au milieu du tapis. Vêtu d'une épaisse fourrure grise, il n'était pas tout jeune. Son nez proéminent, rougi par la coupe rose, dominait un visage mal rasé. Il briquait ses souliers sales contre son pantalon pour les rendre plus présentables. « Yann, dit Archibald, faites votre rapport à Madame Bérénilde. » « Une sale affaire, » marmonna l'homme. « Une sale affaire. » Ophélie n'avait pas la mémoire des visages aussi, mit-elle un moment à se rappeler où elle l'avait déjà vu. C'était le garde-chasse qui les avait escortés jusqu'à la citatielle le jour de leur arrivée au pôle. « Nous vous écoutons, Yann, » dit Bérénilde d'une voix douce. « Exprimez-vous librement. Vous serez récompensé pour votre sincérité. » « Un massacre, ma chère dame, » grogna l'homme. « Si j'en ai réchappé moi-même, c'est pas miracle. Un vrai miracle, dame. » Il saisit maladroitement la tasse de thé que lui servit la tante Roseline, la vida bruyamment, la posa sur un guéridon et se mit à agiter les mains comme des marionnettes. « Je vais vous répéter ce que j'ai raconté à monsieur votre neveu et à monsieur l'ambassadeur. Votre famille, là en bas, elle était tout au grand complet. Il y avait même trois gosses que je connaissais pas encore leur bouille. Excusez si je vous parais rude, mais je dois rien vous cacher, hein. Alors j'aime autant vous prévenir que votre absence, dame, a été vertement critiqué. Comme quoi vous reniez les vôtres, que vous vous apprêtiez à fonder votre propre lignée, et que ça, il l'avait bien compris. Et que la fiancée du bâtard, pour reprendre leurs mots, que j'aurais honte, moi, d'en sortir de pareil, il ne la reconnaîtra jamais, ni elle, ni les mioches qui lui pousseraient dans le tiroir. Là-dessus, on a lancé la battue, comme on fait chaque année. Moi qui connais la forêt comme ma poche, j'ai joué mon rôle, et je leur ai choisi des bêtes. Pas les femelles engrossées, hein, ça on touche jamais. Mais j'avais trois gros mâles, là, à vous fournir de la viande pour l'année. Il n'y avait plus qu'à ratisser, cerner, isoler et abattre. La routine, quoi. Ophélie l'écoutait avec une appréhension croissante. Cet homme avait un accent à couper au couteau, mais elle le comprenait mieux aujourd'hui. « J'ai jamais vu ça. Jamais. Les bêtes, elles se sont mises à débouler de partout. » De manière complètement imprévisible, écume à la gueule, comme possédée. Alors ça, les dragons, ils y sont allés à coups de griffe, et ils ont tailladé dans le vif, encore, encore, et encore. Mais les bêtes, il y en avait toujours de nouvelles, ça n'en finissait plus. Elles ont piétiné ceux qu'elles n'ont pas mangé, j'ai cru... Bon sang, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée, et pourtant je connais mon métier. Tapis dans son coin, Ophélie ferma les yeux. Hier, elle avait souhaité ne plus revoir sa belle famille. Jamais, au grand jamais. Elle n'aurait voulu que ça se conclue de cette manière. Elle pensa aux souvenirs de Thorn, elle pensa à Godefroy et à Freyja quand ils étaient enfants. Elle pensa aux triplets que le père Vladimir était si fier de conduire à la chasse. Toute la nuit, Ophélie s'était sentie étouffée par une atmosphère d'orage. La foudre avait bel et bien fini par tomber. Le garde-chasse frotta son menton où poussait une barbe drue. Ses yeux se vidèrent de leur substance. « Vous allez penser que je perds le nord, que même moi, quand je m'écoute, je me trouve dérangé. Un ange, dame, un ange m'a sauvé du carnage. Il est apparu au milieu de la neige, et les bêtes, elles sont reparties, douces comme des agneaux. C'est grâce à lui que j'ai été épargné. Un miracle épatant. Sauf votre respect, madame. » L'homme débouchait un flacon d'alcool et en but quelques lampées. « Pourquoi moi ? » dit-il en s'essuyant les moustaches de sa manche. « Pourquoi cet angelot m'a sauvé, moi et pas les autres ? Ça, je comprendrai jamais. » Interloquée, Ophélie ne put retenir un regard en coulisses pour épier la réaction de Thorn, mais elle fut incapable de deviner son état d'esprit. Il fixait sa montre à gousset depuis un long moment, comme si les aiguilles s'étaient arrêtées. « Vous me confirmez donc que tous les membres de ma famille sont morts au cours de cette chasse ? Demanda Bérénilde d'un ton patient. Absolument tous. Le garde-chasse n'osait regarder personne en face. Nous n'avons trouvé aucun survivant. Certains corps y sont méconnaissables. Je vous jure sur ma vie que nous éplucherons cette forêt aussi longtemps que nécessaire pour rassembler les cadavres. Leur offrir une sépulture décente, vous comprenez? Et qui sait, hein? L'ange en a peut-être sauvé d'autres. Bérénilde étira un sourire voluptueux. Vous êtes naïf. À quoi ressemblait-il donc, ce chérubin tombé du ciel? À un enfant bien habillé, blond comme les blés, adorablement joufflu? Ophélie souffla contre le verre de ses lunettes et les essuya dans sa robe. Le chevalier. Encore et toujours le chevalier. Vous le connaissez? S'effara l'homme. Bérénilde libéra un rire retentissant. Thorne sortit de sa léthargie et abaissa sur elle un regard tranchant pour l'enjoindre de se ressaisir. Elle était très rose et ses boucles roulaient sur ses joues avec une négligence qui ne lui ressemblait pas. Des bêtes possédées, c'est bien cela. Votre ange leur a soufflé dans la cervelle des illusions telles que seule une imagination vicieuse peut en concevoir. Des illusions qui les ont enragés, affamés, puis qui la dissipaient d'un claquement de doigts. Bérénilde joignit le geste à la parole avec tellement de superbe que le garde-chasse en eut le souffle coupé. Impressionné, il écarquillait des yeux grands comme des assiettes. Savez-vous pourquoi ce petit ange vous a épargné ? Poursuivit Bérénilde. Pour que vous puissiez me dépeindre dans les moindres détails la façon dont ma famille a été massacrée. C'est une accusation très sérieuse, hein, cher ami, intervint Archibald en pointant du doigt son tatouage frontal. Une accusation devant une multitude de témoins. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire, mais c'était à Ophélie qu'il le destina. À travers lui, toute la toile assistait à la scène et elle faisait partie du spectacle. En un battement de paupières, Bérénilde se recomposa un visage serein. Sa poitrine, qui se soulevait par saccades, s'apaisa en même temps que sa respiration. Sa chair redevint blanche comme de la porcelaine. « Une accusation. Ai-je seulement avancé un nom ?» Archibald porta son attention au fond de son haut de forme percée, à croire qu'il trouvait ce trou plus passionnant que toutes les personnes présentes. « J'ai cru... en vous écoutant, que cet ange ne vous était pas étranger. » Bérénilde releva les yeux vers Thorne pour le consulter. Tout raide sur le divan, il lui répondit d'un regard acéré. Du fond de son silence, il semblait lui ordonner « jouer le jeu ». Cet échange silencieux n'avait duré qu'un instant, mais il permit à Ophélie de mesurer à quel point elle s'était trompée sur Thorne. Elle avait longtemps vu en lui la marionnette de Bérénilde, alors qu'il n'avait jamais cessé de tirer les ficelles. « Je suis bouleversé par la mort de ma famille, » murmura Bérénilde avec un faible sourire. « La douleur m'égare. Ce qui s'est réellement passé aujourd'hui, nul ne le sait, et nul ne le saura jamais. » Regard de miel, visage de marbre, elle se produisait à nouveau sur les planches d'un théâtre. Le pauvre Yann, déconcerté au possible, ne comprenait plus rien à rien. Ophélie, elle, ne savait trop quoi penser de tout ce qu'elle venait d'entendre. En lançant les gendarmes contre Mime, en emprisonnant l'esprit de la tante Roseline, en poussant la pauvre servante à se défenestrer, le chevalier avait-il manœuvré pour retenir Bérénilde d'ici et l'empêcher d'assister à cette chasse? Ce n'était qu'une hypothèse. Ce n'était toujours que des hypothèses. Cet enfant était redoutable. Son ombre flottait sur chaque catastrophe, mais on ne pouvait jamais l'accuser de rien. « Nous considérons donc l'affaire comme classée ?» badina Archibald. « Un déplorable accident de chasse ?» Il y en avait au moins un ce soir qui se régalait de la situation. Ophélie l'aurait trouvé détestable si elle n'avait eu le sentiment que chacune de ses interventions visait à protéger Bérénilde de ses propres états d'âme. Provisoirement, du moins. Tous les regards affluèrent vers Thorn. C'étaient les premiers mots qu'il prononçait depuis le début de leur petite réunion. « Cela tombe sous le sens !» dit Archibald avec une pointe d'ironie. « Si l'enquête met au jour des éléments qui tendraient à dénoter quelque agissement criminel, je ne doute pas que vous rouvriez le dossier, monsieur l'intendant. C'est pile dans vos cordes, ce me semble. » « Comme il sera dans les vôtres de dresser votre rapport à Farouk, monsieur l'ambassadeur !» repartit Thorn en dardant sur lui un regard en rasoir. « La position de ma tante à la cour est devenue précaire. Puis-je compter sur vous pour défendre ses intérêts ?» Ophélie releva que la tournure tenait plus de la menace que de la requête. Le sourire d'Archibald s'accentua, il tira l'un après l'autre ses souliers du repose-pied et recoiffa son vieux haut de forme. « Monsieur l'intendant mettrait-il en doute le zèle que je pourrais déployer envers sa tante ?»« Ne l'avez-vous pas déjà desservi par le passé ?» siffla Thorn entre ses dents. Encore habité par son ancien personnage, Ophélie affichait un visage lointain, peu concerné. En réalité, elle ne perdait pas une miette de ce qui se disait et de ce qui ne se disait pas. Archibald avait-il donc trahi Bérénilde par le passé ? Était-ce à cause de cela que Thorn le détestait, lui, encore plus que les autres ? Vous nous parlez d'une époque révolue, susurra Archibald sans se départir de son sourire. Quelle mémoire tenace ! Je comprends vos inquiétudes, toutefois. Vous devez votre ascension sociale à l'appui de votre tante si elle tombe. Vous pourriez bien tomber avec elle. Ambassadeur ! Protesta Bérénilde. Votre rôle n'est pas de jeter de l'huile sur le feu. Ophélie observa attentivement Thorn, immobile, sur le divan. L'allusion d'Archibald ne semblait pas l'avoir ébranlée en apparence, mais ses longues mains noueuses s'étaient contractées autour de ses genoux. Mon rôle, madame, est de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, reprit doucereusement Archibald. Votre neveu n'a perdu aujourd'hui que la moitié de sa famille. L'autre moitié est toujours bien vivace, quelque part en province. Et cette moitié-là, monsieur l'intendant, conclut-il avec un regard tranquille pour Thorn, a été déchue par la faute de votre mère. Les yeux de Thorn s'étrécirent en deux fentes grises, mais Bérénilde posa une main sur la sienne pour l'inciter au calme. « De grâce, messieurs. Ne remuons plus toutes ces vieilles histoires. Il nous faut songer à l'avenir. Archibald, puis-je compter sur votre soutien ?» L'intéressé redressa son haute forme d'une chiquenaude de façon à dégager ses grands yeux clairs. « J'ai mieux à vous proposer qu'un soutien, cher ami. Je vous propose une alliance. Faites de moi le parrain de votre enfant. » Et vous pourrez considérer toute ma famille comme la vôtre, dorénavant. » Ophélie se précipita dans un mouchoir pour tousser à son aise. Parrain de la descendance directe de Farouk ? En voilà un qui ne perdait aucune occasion pour tirer ses épingles du jeu. Interdite, Bérénilde avait posé instinctivement ses mains sur son ventre. Thorn, quant à lui, était blême de rage et semblait lutter contre l'envie de faire avaler son chapeau à Archibald. Je ne suis pas en position de refuser votre aide. Finit par répondre Bérénilde d'un ton résigné. Il en sera donc ainsi. C'est une déclaration officielle, insista Archibald en tapotant encore son tatouage frontal. Archibald, je fais de vous le parrain de mon enfant, déclara-t-elle le plus patiemment possible. Votre protection s'étendra-t-elle jusqu'à mon neveu? Le sourire d'Archibald se fit plus réservé. « Vous m'en demandez beaucoup, madame. Les personnes de mon sexe m'inspirent la plus profonde indifférence et je n'ai aucune envie d'introduire dans ma famille un individu aussi sinistre. »« Et je n'ai aucune envie d'être votre parent, » cracha Thorn. « Admettons que je fasse entorse à mes principes, » poursuivit Archibald comme si de rien n'était. « J'accepte d'offrir... ma protection à votre petite fiancée, à condition qu'elle en formule elle-même la demande. » Ophélie haussa les sourcils tandis qu'elle recevait de plein fouet l'œillade pétillante d'Archibald. À force d'être traitée comme un élément du mobilier, elle ne s'attendait plus à ce qu'on lui demandât son avis. « Déclinez son offre !» lui ordonna Thorne. « Pour une fois, je suis bien de son avis !» intervint soudain la tante Roselyne en posant furieusement son plateau de thé. « Je refuse que tu aies d'aussi mauvaise fréquentation !» Archibald la considéra avec une franche curiosité. « La dame de compagnie était donc une animiste. J'ai été dupée sous mon propre toit. » Loin de s'en formaliser, il paraissait au contraire agréablement surpris. Il se tourna vers Ophélie en claquant des talons et ouvrit grand les yeux, si grand que le ciel parut prendre toute la place sur son visage. De leur divan, Thorne et Bérénilde appuyaient sur elle un regard insistant pour lui faire comprendre qu'ils attendaient autre chose qu'un silence idiot. Dans la tête d'Ophélie, une pensée étrangère s'imprima alors sur toutes les autres. « Faites vos propres choix, petite demoiselle. Si vous ne prenez pas votre liberté aujourd'hui, il sera trop tard demain. » Archibald continuait de la dévisager innocemment, à croire que cette pensée-là ne venait pas de lui. Ophélie décida qu'il avait raison. Elle devait faire ses propres choix dès à présent. « Vous êtes un homme dépourvu de morale, » déclara-t-elle en parlant aussi fort que possible. « Mais je sais que vous ne mentez jamais, et c'est de vérité que j'ai besoin. J'accepte d'écouter tous les conseils que vous voudrez bien me donner. » Ophélie avait regardé Thorne droit dans les yeux en prononçant ces mots, car c'était à lui aussi qu'elle s'adressait. Elle vit sa figure anguleuse se décomposer. Archibald, lui, n'en finissait plus de sourire. « Je crois que nous allons bien nous entendre, fiancée de Thorne. Nous sommes amis, à compter de 7 minutes. » Il la salua d'un coup de chapeau, déposa un baiser sur la main de Bérénilde et emmena avec lui le pauvre garde-chasse déboussolé. Les cris et les questions des nobles explosèrent quand l'ambassadeur franchit la porte de l'antichambre. Le calme retomba dès que la tante Roselyne donna un tour de clé. Il y eut un long silence tendu durant lequel Ophélie sentit sur elle la désapprobation générale. « Je suis soufflée par votre arrogance !» s'indigna Bérénilde en se levant. « On m'a demandé mon opinion et je l'ai donnée. » répondit Ophélie avec toute la placidité dont elle était capable. « Votre opinion ? Vous n'avez pas à avoir d'opinion. Vos seules opinions seront celles que vous dictera mon neveu. » Rigide comme un cadavre, Thorne ne quittait plus le tapis des yeux. Son profil taillé au couteau était inexpressif. « De quel droit vous opposez-vous publiquement à la volonté de votre futur mari ? » enchaîna Bérénilde d'une voix glaciale. Ophélie n'eut pas à réfléchir longtemps à la question. Son visage se trouvait dans un état lamentable. Elle n'était plus à un coup de griffe près. « Ce droit, je me le suis octroyé, » dit-elle avec aplomb, « depuis l'instant où j'ai appris que vous me manipuliez. » Dans l'eau pure des yeux de Bérénilde, il y eut comme un remous. « Comment osez-vous nous parler sur ce ton ? » chuchota-t-elle suffoquée. « Vous n'êtes rien sans nous, ma pauvre petite. Absolument rien. Taisez-vous. » Bérénilde se retourna avec vivacité. Thorne avait prononcé cet ordre d'une voix pleine d'orage. Il déplia son grand corps du divan et abaissa sur sa tante un regard perçant qui la fit blêmir. « Il se trouve que son opinion a de l'importance. Que lui avez-vous dit exactement ?» Bérénilde fut si choquée qu'il s'en prit à elle, qu'elle resta muette. Ophélie décida de répondre à sa place. Elle dressa son menton pour atteindre l'œil balafré de Thorne tout là-haut. Il était cerné à faire peur et ses cheveux pâles n'avaient jamais été aussi mal peignés. Il avait été trop éprouvé aujourd'hui pour qu'elle laissât libre cours à sa colère, mais elle ne pouvait reporter cette conversation. « Je sais pour le livre. Je connais vos véritables ambitions. » Vous servez du mariage pour prélever un échantillon de mon pouvoir et vous l'inoculer. Ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir appris de votre bouche. Et ce que je regrette, moi, maugréa la tante Roselyne en lui rendant son gant raccommodé, c'est de ne rien comprendre à ce que vous chantez. Thorne s'était réfugié derrière sa montre comme chaque fois qu'une situation échappait à son contrôle. Il la remonta, ferma le couvercle, rouvrit le couvercle, mais cela ne changeait rien. Il y avait eu une brisure sur la ligne du temps. Rien ne serait plus comme avant à partir d'aujourd'hui. « Ce qui est fait, » dit-il seulement d'un ton neutre. « Nous avons d'autres chats à fouetter, à présent. » Ophélie n'aurait pas cru la chose possible, mais elle se sentait encore plus déçue par Thorne. Il n'avait exprimé aucun regret, formulé aucune excuse. Elle se rendit soudain compte qu'une petite partie d'elle avait continué d'espérer en secret que Bérénilde lui avait menti et qu'il n'avait rien à voir dans ses intrigues. Excédée, Ophélie enfila son gant et aida sa tante à débarrasser le service à thé. Elle était dans un tel état de nerfs qu'elle cassa deux tasses et une soucoupe. « Nous n'avons plus le choix, Thorne, » soupira Bérénilde. « Nous devons présenter ta fiancée à Farouk et le plus tôt sera le mieux. Tout le monde saura bientôt qu'elle est ici. Il serait dangereux de la lui cacher plus longtemps. »« N'est-il pas plus dangereux encore de la lui mettre sous le nez ?» marmonna-t-il. « Je veillerai à ce qu'il la prenne sous son aile. Je te promets que tout se passera bien. »« Bien entendu, » siffla Thorne d'un ton cinglant. « C'était pourtant si simple. Que n'y avons-nous songé plus tôt ?» Dans la petite cuisine, la tante Roselyne échangea un coup d'œil étonné avec Ophélie. C'était la première fois que Thorne se montrait aussi insolent avec Bérénilde devant elle. « Ne me ferais-tu donc plus confiance ?» reprocha-t-elle. Un pas lourd approcha de la cuisine, Thorne ploya la tête pour éviter de se cogner au linteau, trop bas pour sa taille, et s'épaula contre le cadre de la porte. Occupée à essuyer la vaisselle, Ophélie ignora le regard qu'il appuyait pesamment sur elle. Qu'attendait-il ? Un mot aimable ? Elle ne voulait plus le voir en face. « C'est en Farouk que je n'ai aucune confiance, » dit Thorne d'une voix dure. « Il est tellement oublieux et tellement impatient. » « Pas si je demeure à ses côtés pour le ramener à la raison, » déclara Bérénilde derrière lui. « Vous sacrifieriez ce qui vous reste d'indépendance. »« J'y suis préparé. » Thorne ne quittait pas Ophélie des yeux. Elle avait beau s'acharner sur une théière, elle le sentait dans le coin de ses lunettes. « Vous ne cessez de la rapprocher de cet épicentre dont je voulais, moi, la tenir éloignée, » gronda-t-il. « Je ne vois pas d'autre solution. Je vous en prie. « Faites comme si je n'étais pas là !» s'agaça Ophélie. « Ce n'est pas comme si cela me concernait, après tout. » Elle releva les yeux et ne put échapper cette fois au regard que Thorne faisait peser sur elle. Elle surprit ce qu'elle craignait d'y voir, une profonde lassitude. Elle n'avait pas envie de s'apitoyer sur lui, pas envie de penser aux deux petites dés. Thorne entra pour de bon dans la cuisine. « Laissez-nous un instant. » demanda-t-il à la tante Roselyne qui rangeait le service à thé dans un placard. Elle serra ses longues dents de cheval. « À condition que cette porte reste ouverte !» La tante Roselyne rejoignit Bérénilde dans le salon et Thorne poussa la porte autant que possible. Il n'y avait qu'une lampe à gaz dans la cuisine. Elle projeta l'ombre squelettique de Thorne sur le papier peint, tandis qu'il se dressait de toute sa hauteur devant Ophélie. « Vous le connaissiez ?» Il avait chuchoté ces mots avec une raideur extrême. « Ce n'est pas la première fois que vous le rencontrez, » poursuivit-il. « Sous votre véritable jour, j'entends. » Ophélie mit un temps à comprendre qu'il lui parlait d'Archibald. Elle repoussa vers l'arrière la déferlante de cheveux qui tombait sur ses lunettes comme un rideau. « Non, en effet. J'avais déjà accidentellement fait sa connaissance. » « La nuit de votre escapade ?»« Oui. » »« Et il savait qui vous étiez pendant tout ce temps ?»« Je lui ai menti. Pas très bien, je l'admets. Et il n'a jamais établi de lien entre Mime et moi. »« Vous auriez pu m'en informer ?»« Sans doute. » »« Vous aviez peut-être des raisons de me taire cette rencontre. » Ophélie avait mal au cou à force de lever le nez vers Thorne. Elle s'aperçut, à la lumière de la lampe, que les muscles qui jouaient le long de sa mâchoire s'étaient contractés. « J'espère que vous ne faites pas allusion à ce que je crois, » dit-elle d'une voix sourde. « Dois-je en déduire qu'il ne vous a pas déshonoré ?» Ophélie étouffait de l'intérieur. Alors là, vraiment, c'était un comble. « Non. Vous, en revanche, vous m'avez humilié, comme personne. » Thorne arqua les sourcils et inspira profondément par son grand nez. Vous m'en voulez parce que je vous ai fait des dissimulations. Vous aussi, vous m'avez menti par omission. Il semblerait que nous ayons tous les deux emprunté un mauvais chemin dès le départ. Il lui avait débité cela d'un ton dépassionné. Ophélie était de plus en plus perplexe. Pensait-il qu'il allait régler leurs différends comme il classait ses dossiers d'intendance ? Et puis, je ne vous accuse de rien, ajouta-t-il imperturbable. Je vous recommande seulement de vous méfier d'Archibald. Gardez-vous de lui, ne demeurez jamais seul en sa compagnie. Je ne saurais que trop vous recommander la même prudence avec Farouk. Soyez constamment escorté par quelqu'un lorsque vous serez amené à le fréquenter. Ophélie ne sut trop si elle devait rire ou s'énerver pour de bon. Thorne semblait très sérieux. Elle éternua à trois reprises, se moucha et reprit d'une voix enrhumée. « Vous placez mal votre inquiétude. Je passe plutôt inaperçu. » Thorne se tut, songeur, puis il s'inclina en avant, vertèbre après vertèbre, jusqu'à pouvoir attraper la main d'Ophélie. Elle se serait dérobée s'il ne s'était redressé de lui-même presque aussitôt. « Croyez-vous ? » ironisa-t-il. Et tandis que Thorne quittait la cuisine, Ophélie se rendit compte qu'il lui avait glissé un papier dans la main. « Un télégramme ?»« Monsieur Thorne, intendance Citaciel. Paul, inquiet de votre silence, arrivons dès que possible. » Papa, maman, Agathe, Charles, Hector, Domiti, Bertrand, Alphonse, Béatrice, Roger, Mathilde, Marc, Léonore, etc.